Amis auditeurs de Radioactive, bonsoir et bienvenue dans cette 127e émission de Osez Jazz à tous les étages, saison 5, épisode 20, toujours avec Vincent qui assure la technique avec brio comme toujours, et ce générique donc de Bacchus, Nicolas Cardel et les Headbangers sur un album sorti en 2019 et qui vieillit toujours aussi bien au fil du temps, voilà, comme générique. Puisqu'on en est dans la rubrique générique, et ben on va enchaîner tout de suite avec celle de ce jour. Et je vous avoue que j'ai découvert une série française datant de la fin des années 60, début 70, que je ne connaissais pas du tout et qui s'appelle « Aux frontières du possible ».« Aux frontières du possible », une émission, enfin une série, en fait, un feuilleton, on disait à l'époque, qui a commencé à être diffusée en 71 et qui a fini en 1974. Avec dans les rôles principaux Pierre Vanek, Jean-François Rémy et Helga Andersen. Alors, cette série Aux frontières du possible, c'est une étrange série. Les deux protagonistes principaux, Pierre Vanek et Helga Andersen, sont en fait des enquêteurs pour le Bureau international de prévention scientifique. Et ils doivent essayer de résoudre des choses un petit peu étranges qui se passent, soit dans l'espace, soit sous terre, soit au niveau des ondes, enfin des choses un petit peu étranges qui arrivent à différentes personnes. Et voilà, ça fait à la fois science-fiction et en même temps un petit côté polar, parce qu'il faut qu'ils arrivent à trouver la solution de cet écheveau de problèmes, le tout voilà sur fond de science prévisionnelle, d'anticipation réaliste, etc. Enfin bon, bref. Une série un petit peu étrange qui, paraît-il, aurait inspiré une autre série beaucoup plus célèbre, elle, qui a eu lieu dans les années 90, qui était rien d'autre que la série américaine X-Files. On retrouve un homme et une femme en tant qu'enquêteurs sur des phénomènes étranges, etc. Il paraît que ça aurait un petit peu inspiré X-Files, mais enfin bon, ça reste à prouver, ce sont des on-dit. Alors, la musique du générique de ce Aux frontières du possible était signée d'un certain Jacques Harel, donc je ne connaissais pas l'existence non plus avant de faire des recherches pour cette émission. Jacques Harel qui a fait quelques génériques comme ça de séries ou d'émissions, notamment Midi Première. C'est lui qui a composé aussi le générique de l'émission automobile Automoto. C'est lui qui a fait aussi le générique de Commissaire Moulin. Voilà, donc son nom n'était pas resté dans mon esprit avec ça. Et puis surtout, il a été aussi compositeur pour différentes vedettes de la variété, on va dire principalement. Richard Anthony, Sheila Mouloudji, Eddie Mitchell, Tom Jones, Nicole Croisi, mais aussi Florent Pagny. Alors voilà, donc quelqu'un qui a une carrière assez longue, Jacques Harel, donc un nom à retenir, parce qu'il n'est pas resté tellement à la postérité, et c'est bien dommage. Vous allez vous en rendre compte avec ce générique, donc Aux frontières du possible, signé Jacques Harel entre 71 et 74. Thank you. Voilà, c'était Aux frontières du possible, le générique de signé Jacques Harel pour cette série française, ce feuilleton diffusé entre 71 et 74 sur la deuxième chaîne de l'ORTF à l'époque. Voilà. Et donc qui m'a vraiment donné envie d'ailleurs d'aller voir ce que c'est, parce que je ne connais pas du tout, et cette série a l'air bien sympa. On va passer maintenant à la rubrique des coups de cœur, avec toujours une actualité très riche en ce mois de janvier. C'est vrai que le mois de janvier, c'est un petit peu une saison où les artistes plus de variété ou de rock sont un petit peu en hibernation. Ils sortent pas encore trop de disques, parce qu'on est loin des périodes véritablement de grande consommation musicale. Donc les jazzmen en profitent pour venir mettre le pied dans la porte et rappeler qu'ils sont là, et Dieu sait qu'ils sont toujours là. Et donc on va commencer avec un album qui sort tout juste ces jours-ci, d'un habitué de l'émission, puisqu'il s'agit de Baptiste Herbin. Baptiste Herbin, qui avait sorti l'année dernière un album consacré à des reprises de Django Reinhardt au saxophone. Et bien là, il sort un nouvel album qui s'appelle Los Arregladores, les arrangeurs en français, en compagnie de Minino Garay, le percussionniste sud-américain, mais installé en France depuis toujours. Et à eux deux, ils ont décidé de repasser en revue un certain nombre de titres, mais aussi des compositions avec un style sud-américain comme ça. On sait que Baptiste Herbin, je vous l'avais dit à propos de son concert l'année dernière à Jazz en Touraine, qu'il avait beaucoup voyagé, notamment en Amérique du Sud et surtout au Brésil. Et donc il a toujours été passionné par ces musiques sud-américaines. Donc là, on le retrouve en fait, en plein sujet avec cet album, donc qui est annoncé en duo, mais bien sûr ils ne sont pas que tous les deux, donc Baptiste Herbin au sax et Minino Garay aux percussions diverses, notamment le fameux cajon, cette percussion sur laquelle on s'assoit et puis sur laquelle on tape avec ses mains. Il y a aussi le contrebassiste Felipe Cabrera, qui est là, qui avait travaillé lui-même avec Gonzalo Rubalcaba il y a quelques années. Il y a le pianiste Léo Montana qui complète ce quartet. Léo Montana qui avait sorti un magnifique album il y a un an et demi environ avec Arnaud Dolmen, sur laquelle on avait fait un gros coup de cœur. Donc on est en terrain connu avec tous ces gens-là. Et donc entre les morceaux repris du folklore sud-américain et les compositions arrangées dans le style de sud-américain, les voilà à nous sortir un très très bel album. Cet album il s'appelle Los Arregladores, les arrangeurs, parce que pour chaque morceau ils ont choisi un musicien différent qui vient arranger les morceaux et travailler avec eux sur la mise en place. Le morceau que je vous ai sélectionné s'appelle La Malinche, qui était un personnage un petit peu trouble de l'histoire de l'Amérique centrale et Amérique du Sud, puisque c'est une Amérindienne d'origine de Nahua, qui avait en fait été vendue comme esclave à Cortés, qui en fait après devenue sa femme, son interprète, etc. Et il semble que la tribu Nahua n'avait pas beaucoup d'affinité avec les Aztèques. Et en fait, elle aurait manipulé un petit peu, notamment les traductions, pour faire gagner les Espagnols contre les Aztèques. Donc elle aurait eu donc une importance particulièrement grande dans l'histoire de l'Amérique centrale. Et alors c'est un personnage qui est à la fois aimé et un petit peu remis en cause par certains au Mexique. Elle est considérée un petit peu comme la mère symbolique du peuple mexicain moderne, mais en même temps, elle est aussi le symbole de la trahison de ce peuple nahua vis-à-vis des Aztèques. Donc, personnage un petit peu ambigu, mais voilà, c'est pourtant le nom qu'a souhaité donner Baptiste Herbin et Minino Garay à un titre de cet album, La Balinche. On l'écoute tout de suite, Baptiste Herbin et Minino Garay. Baptiste Herbin et Minino Garay, extrait de cet album Los Arregladores, qui sort tout juste dans les bacs ces jours-ci chez Continuo Jazz, donc accompagné également au piano, vous l'aurez peut-être remarqué, Léo Montana, l'excellent pianiste Léo Montana, et Felipe Cabrera à la basse, le tout donc voilà, un mélange entre jazz et musique sud-américaine, vraiment particulièrement réussi et enlevé comme ça, vraiment un beau couple que ce Baptiste Herbin et Minio Garay sur ce nouvel album. On va passer maintenant à un deuxième coup de cœur qui est une chanteuse qui a la particularité d'avoir été auparavant kinésithérapeute, et puis bon... La kinésithérapie, c'est bien, mais au bout d'un moment, voilà, on en voit le bout, du bout des doigts, si j'ose dire. Et voilà, elle a décidé de se consacrer à son autre passion. Son autre passion, c'était le chant. Et après avoir fait ses gammes un petit peu dans des différents groupes de rhythm and blues, de gospel, de soul, etc., elle s'est lancée en solo. Et ma foi, avec la voix qu'elle a, eh bien, elle a réussi à faire un petit peu son trou et à nous proposer ce premier album. C'est un tout premier album et un album particulièrement séduisant. L'album s'appelle That Was a Dream, c'était un rêve, et donc apparemment, visiblement, le rêve est exaucé. Elle a réussi à faire entendre sa voix et à être produite sur cet album, où elle est accompagnée quand même de beau monde, puisqu'il y a Fred Nardin au piano, qui est aussi un habitué de cette émission. On l'entend souvent soit sous son nom, soit en accompagnement d'autres artistes. Fabien Marcos à la contrebasse et Romain Saron à la batterie, eux aussi, sont des pointures habituelles dans le jazz français, des gens qui sont là très présents en permanence. Donc cet album, eh bien, il est constitué principalement de standards, et c'est toujours difficile de faire des standards quand on débute comme ça, parce que voilà, ça a toujours été déjà tellement enregistré, tellement joué, que c'est toujours difficile d'en proposer quelque chose d'un petit peu original. Mais là, avec son brin de voix vraiment vraiment superbe, elle réussit à en faire une lecture intéressante. Et puis, il faut dire que tous les morceaux sont arrangés par Fred Nardin au piano. Et donc, avec ses arrangements personnels, il trouve toujours un moyen d'apporter une petite touche personnelle et une petite manière de se décaler des arrangements habituels et des arrangements classiques. Donc, elle y reprend pas mal de choses, notamment du Monk, ce qui est là aussi pas toujours courant. Elle reprend également quelques morceaux, notamment un morceau de Michel Legrand, qu'elle fait dans sa version française, Que feras-tu de ta vie, qui avait été traduit en anglais par What are you doing the rest of your life. Et puis elle reprend Henri Salvador, La muraille de Chine, et puis également une composition. Il y a une composition originale sur cet album. Elle a eu la chance, alors qu'elle partager la scène un jour sur un concert de Mélodie Gardot dont elle faisait la première partie, elle a eu la chance de pouvoir rencontrer son pianiste Philippe Powell, et Philippe Powell, séduit par sa voix, lui a composé un morceau sur lequel Jesse Harris a rajouté des paroles. Jesse Harris, c'est l'homme qui travaille notamment avec Norah Jones, avec Gabby Hartmann, etc. Donc voilà, pas n'importe qui non plus. Donc voilà, il y a cette composition originale qui figure en plus à l'album. Mais pour l'instant, on va revenir à un standard, puisque le morceau qu'on va écouter, que j'ai extrait de cet album de Cécile Brocas, c'est You'd Be So Nice To Come Home To. J'aime bien rentrer à la maison avec toi, en gros, on pourrait traduire ça comme ça. Donc, et sur lequel on retrouve, devinez qui, au sax, monsieur Baptiste Herbin, qu'on vient d'écouter auparavant dans le coup de cœur précédent. Donc voilà, ça fait un lien avec ce morceau. Cécile Brocas, You'd Be So Nice To Come Home To. You'd be so nice to come home to, be so nice by the fire, while the breeze on the high sung a lullaby. It'd be all that I could desire. The stars chill me by the winter, under an August moon, running apart. It'd be so nice, it'd be paradise to come home to Ella. It'd be so nice to come home to. It'd be so nice by the fire, while the breeze on high sang a lullaby. It'd be all that I could desire, and the stars chilled by the winter, and a red August moon burning above. It'd be so nice, it'd be paradise to come home to Ella. Sang a lullaby. It'd be all that I could desire. And the stars chill by the winter, and there are another moon burning above. You'd be so nice, you'd be paradise to come home to Ella. Cécile Brocas, You'd Be So Nice to Come Home To. Une voix, voilà, une très belle voix, très, très douce, mais en même temps avec pas mal de caractère. Il n'y a pas d'effet de manche, il n'y a pas de tentative d'impressionner le monde. C'est simplement une très belle interprétation de quelques standards, dont celui-ci, avec Romain Sarron à la batterie, Fred Nardin au piano, Fabien Marcos à la contrebasse, et sur ce titre, Baptiste Herbin, donc, qui jouait de son sax magique derrière Cécile Brocas. Il y a aussi sur un ou deux morceaux Hugo Lippi, le guitariste dont on parlait la semaine dernière, qui est également présent. Donc voilà, une belle équipe de gens très compétents et toujours très sympas, puisque voilà, ils sont tellement invités à droite à gauche que voilà, on sent que ils sont là pour la musique et pour participer avec notamment des jeunes artistes comme cette Cécile Brocas, qui sort donc ce premier album That Was a Dream ces jours-ci. Dans la suite des coups de cœur, un ensemble qui s'appelle Panorama Project, qui a déjà plusieurs albums à son actif. Celui-ci s'appelle Piano Extended. Donc le groupe Panorama Project, en fait, c'est un ensemble avec une rythmique et puis pas mal de souffleurs, comme on dit. C'est saxophonistes, trompettistes, trombonistes, etc. Donc avec des arrangements pour ces ensembles de cuivre derrière. Et à chaque fois, ils ont des projets un petit peu différents. Ici, ils ont souhaité inviter 7 pianistes différents à travailler sur des compositions. Et donc à chaque morceau il y a un pianiste différent. Alors il y a Clélia Abraham, il y a Estrella Besson, il y a Enzo Carniel, Delphine Deo, Étienne Manchon, Sandrine Marchetti et Alexis Nersessian qui viennent travailler sur chacun sur un morceau de cet ensemble, et cela donne donc ce piano extended, donc dans lequel viennent se rajouter la direction artistique de Léo Janet qui dirige cet ensemble, qui lui-même joue de la trompette et qui est aussi compositeur, et puis un alto et un soprane tenu par Xavier Trombini, un alto tenu par Étienne Juan Guesta, un ténor par Rémi Scribe et un baryton par Guillaume Guedin. Les trompettes sont tenues par Quentin Lourtis et Léo Janet, donc j'en parlais, et trombone par Olivier Miqueux, trombone basse par Nicolas Benedetti, la guitare par Yvan Quintero, rien que ça, contrebasse par Thomas Julienne et la batterie par Pierre Demange. Donc voilà, tout un projet autour de tous ces musiciens-là, avec à chaque fois une personne différente au piano. Le morceau que j'ai choisi, c'est celui où on retrouve Étienne Manchon, qui accompagne donc ce piano extended du Panoramic Project, et le morceau s'appelle 13h11. On va l'écouter tout de suite. Thank you. C'était donc ce morceau 13h11 donc, du Panoramic Project Piano Extended avec Étienne Manchon au piano et au Fender Rhodes d'ailleurs. Un morceau donc, en plusieurs parties comme ça, étalé sur plusieurs minutes, dont on n'a pas passé l'intégralité parce que ça dure encore un petit instant. Voilà, un bien beau projet donc, de Léo Jeannet et son ensemble Panoramic Project avec de belles plages de cuivre pour ceux qui aiment ça. On va rester un petit peu dans les cuivres hein, avec un nouvel album également de Vincent Dupuis et son groupe Inside Out. Vincent Dupuis, c'est un saxophoniste et compositeur qui a déjà quelques albums à son actif et qui revient avec un album qui s'appelle Jack's First en compagnie de Dario Spezia à la guitare, Giuseppe Blanco au piano, Andrea Lopalo à la batterie et Jaromir Rosnak à la basse. Donc là, on est dans un jazz plutôt classique, un petit peu à la fois hard bop, mais aussi un petit peu original, avec des arrangements qui rappellent un peu parfois le travail que pouvait faire Charlie Mingus à la fin des années 50, début 60. C'est vraiment un très très bel album avec de belles harmonies, de beaux travail et puis de très très beaux solos parce que les garçons qui l'accompagnent sont particulièrement efficaces chacun dans son instrument. Donc on va pouvoir écouter le morceau qui donne son titre à l'album, c'est Jack's First, donc Vincent Dupuis et le groupe Inside Out. c'était Vincent Dupuis et Inside Out. L'album s'appelle Jack's First et c'est aussi le titre de ce morceau donc qui a donné son nom à l'album. Vraiment une belle composition et voilà, ça joue comme ça tout du long. Beaucoup d'écoute, on le sent à l'intérieur du groupe pour se répondre comme ça sur les thèmes. C'est vraiment très très beau. On va passer à la rubrique Abacadisque avec quelques nouveautés encore que l'on va peut-être passer dans les semaines à venir ou pas, on verra suivant la qualité de ce qu'il y a dedans. Un nouvel album de Joey Omicil, le saxophoniste qui revient avec un Smiles, et puis Victoria Tolstoy, la chanteuse, elle aussi qui revient avec un Who We Are with Victoria Tolstoy. Ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas eu de nouvelles d'elle, donc voilà, on va écouter voir ce que ça donne. Un très beau projet qui apparaît sur les radars comme ça. C'est un album en duo de Roberto Fonseca, le pianiste cubain, et de Vincent Segal, le violoncelliste français. Ça s'appelle Nuit parisienne à La Havane et c'est donc une rencontre entre ces deux musiciens qui va aussi bien explorer la musique latino-américaine que le jazz, mais aussi presque parfois de la musique de chambre, puisque les deux se répondent. Ils ont tous les deux une formation aussi classique, donc voilà, il y a un petit peu de musique de chambre aussi dans cette confrontation amicale de Roberto Fonseca et Vincent Segal. Donc on aura sûrement l'occasion d'en reparler. Leon Thomas, là on est un petit peu en dehors du jazz, on va vers la soul, voire parfois vers le hip-hop, qui sort un folk EP. Alors il y a pas mal de musiciens de jazz qui jouent avec lui. Lui chante et rappe sur ce mini-album qui est bien sympa. Et puis côté blues, on a Tinsley Ellis avec un album qui s'appelle Labor of Love. On avait fait un coup de cœur sur un de ses albums précédents il y a au moins 2 ans à peu près, donc voilà, c'est son retour parmi nous. Il y a un blues du sud des États-Unis, un petit peu inspiré par la Nouvelle-Orléans. C'est vraiment toujours très intéressant ce qu'il fait. Alors on va revenir maintenant un petit peu à l'exploration, non pas des nouveautés, mais d'un morceau. Je suis retourné, comme on l'a fait régulièrement, dans ce que j'ai appelé la Borisothèque, c'est-à-dire la discothèque de mon ami Boris, qui avait débuté cette émission en ma compagnie il y a déjà maintenant 5 ans. Et je suis allé repiquer un morceau qu'on a pas toujours l'habitude de citer parmi les morceaux les plus connus du jazz, et pourtant il y en a des milliers et des milliers de versions. C'est un morceau un petit peu étrange, il a une histoire un peu bizarre, et puis il y a des choses qui se disent autour de ce morceau qui sont un peu étranges. Ce morceau, c'est Nardis, un morceau composé en 1958 par Miles Davis. Mais curieusement, un morceau que Miles Davis a très peu joué, et il n'en existe pas de version live connue, et surtout il ne l'a jamais enregistré en studio. Alors c'est étrange parce que c'est vraiment une composition extraordinaire qui est tout à fait une composition modale dans le même esprit que ce qu'il a composé et qui est resté complètement immuable depuis, comme là, cet album Kind of Blue. On est vraiment dans cette lignée-là. Mais au départ, Miles Davis ne l'a pas composé pour lui-même, mais pour son saxophoniste de l'époque, Cannonball Adderley. Cannonball Adderley a été le premier donc à enregistrer ce morceau sur un album qui s'appelle Portrait of Cannonball, donc en 1958. Sur cet album, il y avait un pianiste qui s'appelait Billy Vance. Donc Billy Vance, le fameux, le grand pianiste qui a révolutionné un petit peu le jeu de piano et la place du piano dans le jazz moderne. Billy Vance, donc, qui a accompagné sur cette composition et qui, au fil des années, a adopté cette composition comme une de ses compositions les plus représentatives. Et c'est une composition qu'il a fait évoluer au fil de son art, donc jusque dans les années 80, puisque malheureusement il est décédé dans les années 80, et au fil de ses humeurs, Bill Evans n'était pas une personnalité toujours très très facile, qui voulait toujours travailler pour son art. Il considérait vraiment le piano comme un art, et il en faisait quelque chose qui allait tutoyer les œuvres aussi bien de Debussy que de Ravel, etc. Enfin, c'était vraiment quelqu'un qui était pétri aussi de culture classique. Et Bill Evans aimait tellement cette composition que voilà, il l'a reprise, que ce soit en studio ou en public, des centaines de fois, et il l'a fait évoluer. Elle est devenue des plages qui parfois pouvaient atteindre la vingtaine de minutes, et au point que au bout de quelques années, il y a quand même des gens qui ont considéré qu'ils avaient un doute sur le fait que ce soit vraiment Miles Davis qui l'ait écrite, que ça ressemblait plus à du Bill Evans, et que Bill Evans était peut-être en fait le compositeur caché de cette composition. Voilà pour le mystère qui tourne autour, même des pianistes comme Richie Beirach, qui ont eux-mêmes enregistré ce titre, étaient presque persuadés, même s'ils n'avaient aucune certitude, que c'était Bill Evans qui l'avait vraiment composé. Mais en même temps, Bill Evans a toujours dit lui-même que ce n'était pas lui qui l'avait composé et que c'était bien Miles qui l'avait composé. Donc voilà, il y a un petit peu déjà un flou qui traîne autour de ce morceau-là. Et puis un autre flou qui traîne autour de ce morceau-là, c'est la signification de ce mot « Nardis ». Alors, il y a deux écoles qui se battent autour de la signification de ce mot. Ceux qui disent que c'est tout simplement l'anagramme inversé du nom du jazzman Ben Sidran, avec lequel Miles avait joué à droite à gauche, ou avec lequel il avait participé à des concerts ou à des festivals assez régulièrement, aussi bien à New York qu'à Paris, puisque Ben Sidran a beaucoup voyagé entre ces deux villes, et Miles aussi. Donc Sidran à l'envers, ça donne Nardis. Donc voilà, ça serait l'explication la plus plausible. Mais d'autres ont voulu quand même aller chercher la petite bête et toujours en relation avec Bill Evans. On dit qu'en fait, c'était un mot qui avait été inventé par Miles Davis à partir d'une interview qu'il avait entendue. Enfin, pas vraiment d'une interview, mais d'une conversation qu'il avait entendue entre Bill Evans et puis quelqu'un qui demandait à Bill Evans de lui jouer un titre de variété arrangé en jazz. Et Bill Evans l'avait regardé et lui avait dit « Mais je ne joue pas ce genre de petite composition, monsieur, je suis un artiste. » Et avec son accent du New Jersey, en fait, la fin de la phrase était devenue « I'm an artist. » « I'm an artist. » Et Miles avait compris ce mot Nardis au lieu de artiste et en avait fait en fait le symbole de cette composition, très belle composition de piano. Alors on va justement écouter une version vraiment vraiment splendide qui est en fait pas la première version, puisque la première version c'est celle de Cannonball Adderley, mais c'est la première version qu'a enregistrée Bill Evans dès 1961, donc 3 ans après la première version de ce morceau, sur son album Explorations, en compagnie donc de Scott LaFaro, son bassiste préféré, et Paul Mossian, aussi pratiquement son batteur préféré. C'était vraiment un très très très très grand trio. Et donc en 1961, il grave pour Riverside une version assez courte encore de ce morceau, qui je vous le dis a après évolué jusqu'à atteindre les 20 minutes. La version est tout à fait classique, tout à fait simple, mais déjà très très belle. Voilà donc Bill Evans, Nardis, le morceau de Miles Davis. Thank you. toute la délicatesse du Billy Vance Trio sur cette version, donc la première version enregistrée par Billy Vance de ce thème de Miles Davis, Nardis, en 1961, par rapport à la version qu'en donnait deux ou trois ans plus tôt, Cannonball Adderley, on est déjà à des années-lumière de celle qui était proposée par le saxophoniste. C'est vraiment une belle évolution du morceau, et Billy Vance en donnera des évolutions encore plus dingues au fil de sa carrière. On va maintenant écouter une nouvelle version de ce même morceau, Nardis. Donc, 7 ans plus tard, c'est Joe Anderson, le saxophoniste, qui s'en empare dans son deuxième album qui s'appelle The Kicker, dans lequel son sixième album, qui s'appelle The Kicker, dans lequel il est accompagné de Kenny Barron au piano, Ron Carter à la basse, Louis Hayes à la batterie, Gretchen Moncourt de 3 au trombone et Mike Lawrence à la trompette. Là, ils en donnent une version un petit peu plus enlevée. C'est sorti sur le label Blue Note à l'époque, enregistré en une seule session d'une seule journée le 10 août 1967 de ces enregistrements comme on n'en fait plus aujourd'hui. Voilà, tout est dans la boîte en une journée et c'est top niveau. Nardis, donc version Joe Anderson sur la bande de Kicker en 68. We'll be right back. Nardis, cette fois enregistré par Joe Anderson sur son album The Kicker en 1968, premier album pour le label Milestone à l'époque, et sixième album du saxophoniste. On reviendra tout à l'heure d'ailleurs en morceau final à Joe Anderson avec la réédition de son deuxième album pour Blue Note. Mais bon, pour l'instant, on va continuer dans cette exploration de Nardis avec une version enregistrée par Ralph Towner en public en 1979 et sortie chez ECM en 1980, un concert solo donc de ce guitariste qui est spécialiste de la guitare 12 cordes et de la guitare nylon, qui a toujours joué sans amplification. Alors on avait déjà passé un coup de cœur la semaine dernière sur la réédition d'un de ses disques en compagnie de Gary Peacock. Il se trouve que dans ces entrefaites, Ralph Towner est mort au début de semaine. Et donc voilà, j'avais envie de lui rendre encore hommage, même si la diffusion de l'émission précédente tombait quasiment le jour où il est décédé, mais en revenant justement sur une version qu'il a enregistrée de ce même thème, Nardis, guitare 12 cordes, juste en solo comme ça sur une scène. L'album a été enregistré à Munich et à Zurich en octobre 1979. Il y est vraiment absolument tout seul avec sa guitare et c'est passionnant, c'est extraordinaire. Cette version de Mardi, c'est peut-être une des plus belles qui ait jamais été enregistrée. On l'écoute tout de suite, Ralph Towner, Nardis. Thank you. public très sage, hein, ça crie pas rock'n'roll dans le public, à l'écoute de cette merveilleuse performance de Ralph Turner. Mais c'est pas une performance, c'est un jeu extraordinaire, c'est un jeu d'une finesse et d'une musicalité exceptionnelle. Donc sur ce thème de Nardis, enregistré en 1979 et paru en 1980 chez ECM sur cet album qui s'appelle Solo Concert et que je vous recommande si vous aimez la guitare toute nue comme ça, juste à écouter. C'est encore mieux au casque. Vous mettez ça tranquillement dans la pénombre un soir et là, vous êtes parti. C'est garanti. Voilà, on arrive au terme de cette émission et je voulais remercier encore Vincent qui a assuré la technique et puis vous donner rendez-vous à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de Osez Jazz à tous les étages. D'ici là, vous pouvez réagir sur le Facebook de Osez Jazz à tous les étages, donc en donnant un petit peu votre avis, etc. Et puis éventuellement aussi sur Instagram, sur Osez Jazz tout court, là c'est... On a fait la formule un petit peu abrégée, Osez Jazz, donc sur Instagram. Et puis aussi, vous pouvez écouter ou réécouter les émissions anciennes ou celles-ci en podcast sur le site www.radioactivefm.fr. Voilà donc pour ce morceau final que je vous annonçais déjà tout à l'heure. Joe Anderson, on y revient. On l'a écouté dans une version de Nardis. Là, on l'écoute sur un album qui s'appelle Our Thing, paru en 1964 chez Blue Note et qui est réédité ces jours-ci. C'est pour ça qu'on en parle. Il est toujours bon de revenir un petit peu, de regarder un petit peu dans le rétroviseur pour réécouter ces petites merveilles. Et là, c'est bien le cas. Donc, c'était le deuxième album que Joe Anderson sortait avec un très beau groupe autour de lui, puisqu'on y retrouve le trompettiste Kenny Dorham avec lequel il a déjà beaucoup enregistré et qui, avec lequel il enregistrera encore beaucoup. Le pianiste est Andrew Hill, alors que sur le premier album qu'il avait enregistré, c'était Mike Coetainer qui jouait. Là, c'est Andrew Hill qui remplace Mike Coetainer. Le batteur, c'est Pete LaRocca, et le bassiste, Eddie Kahn. Donc, l'album est constitué principalement de compositions de Joe Anderson et de Kenny Dorham. Il est enregistré là aussi en une seule journée, comme d'habitude à l'époque, le 9 septembre 1963, il paraîtra en 1964, dans les studios de l'incontournable Rudy Van Dielder à Englewood Cliffs, dans le New Jersey. Donc tout ça mis en boîte en une journée. C'est beau, ça se fait plus beaucoup de nos jours, mais de temps en temps, un petit peu de spontanéité comme ça ferait pas de mal. Donc le morceau qu'on va écouter, ça s'appelle Back Road. C'est une composition de Kenny Dorham, le trompettiste, et donc ça figure sur cet album de Joe Anderson, Our Thing. À lundi prochain pour de nouvelles aventures. Tout à l'heure, vous avez encore une heure de musique sélectionnée par mes soins pour continuer cette émission. Et voilà, portez-vous bien pendant tous ces jours et que d'ici là, que le jazz soit avec vous.